Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbo-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population d'Albanel un bon festival de la Gourgane et félicite les nombreux bénévoles qui rendent l'activité possible. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles estivaux. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 418-276-2385. Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival de la Gourgane à la population d'Albanel et félicitent les organisateurs. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf, c'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bon matin, Denis. Michel, si on y allait avec... on va commencer avec Pierre-Alexandre Bédard, évidemment. Donc, dans le cas de Pierre-Alexandre, il n'a pas réussi à se classer pour le tournoi du RBC qui commence aujourd'hui, d'ailleurs. C'est 31e position. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même bon? On peut dire que c'est très, très bon. Ouais. C'est un niveau qui est très relevé, hein, parce qu'il y avait seulement 75 inscriptions. Ouais. Il y avait des pré-qualifications pour pouvoir aller à cette qualification-là. OK. Donc, là, le gagnant qui a gagné, justement, lui, il joue sur le web tour, là. Ouais. Lui, là, il a gagné le championnat canadien amateur. C'est un très, très haut niveau de jeu. Ouais. Pierre-Alexandre, oui, il a fini 32e, mais il a fini seulement à plus 1, 5 coups de la tête. OK. À ce niveau-là, il y a deux coups que Daniel, son père, m'a dit qu'il a manqué. Ouais, c'est il m'a donné sur un par 5 qui a essayé de le prendre en deux. Puis son deuxième coup s'est ramassé à l'eau. Okay. Si son deuxième coup va sur le verre comme il s'attend, c'est possiblement un birdie. Puis il a ramassé un double à un moment donné parce que dans ces tournois-là, ils n'ont pas le droit au viseur. Donc, il faut qu'ils calculent les distances. Puis ils se sont trompés sur un calcul, puis il a passé complètement par-dessus un verre. Il s'est ramassé divers de l'autre côté, comme un marais. Il a ramassé un double. Donc, sur deux coups, il y a trois coups de pénalité. Mm. Fait que c'est une très, très belle performance. Puis ça permet aussi de se comparer au niveau canadien. Okay. Pour lui, là, c'est sûr qu'il est très satisfait. OK. Donc, c'est vraiment quand même très, très intéressant. Donc, prochain tournoi, je pense que c'est la semaine prochaine, à quelque part la semaine prochaine. Si on parlait maintenant de toi, comment du club, cette semaine, c'est les vacances de construction, donc j'imagine que c'est plus tranquille. Donc, on fait place au Green Fee, qu'on appelle. Non, c'est ça. Donc, c'est ouvert au grand public. L'accès chez nous est facile parce que on est quand même isolé. Fait que donc, le Canada est quand même bien. Là, ça se comprend avantageusement avec les bonnes saisons. Ouais. Puis le parcours est tellement beau. Puis, il fait un peu moins chaud aussi cette année. Oui, il fait pas moins chaud cette semaine. On annonce plus 22 que 32. Ouais. Donc, encore plus favorable pour le golf. Fait que, on est bien, bien satisfait. La saison est bonne. Puis on poursuit dans notre lancée. Parce que Serge Cloutier me disait cette semaine que au Saguenay, c'est trop chaud. Donc, c'est trop chaud pour le golf. Donc, le matin, c'est quand même bon, le matin très tôt, mais par la suite, ça devient plus difficile. Mais c'est quand même surprenant. Je dirais qu'aller là, jusqu'à 2 heures, les accolandages sont bons dans les grosses chaleurs. Puis par après, ben là, ça descend un petit peu. Mais c'est surprenant au niveau de la pratique du golf, malgré la très, très, très belle température. OK. Dans les promotions? Oui, des promotions, dans le fond, on a toujours l'accès. 2 joueurs avec voiture pour 50$. Ouais. Puis après 15 heures, après 15 heures, 15$. Mais sinon, ça va bien. On est bien heureux. Puis on invite toute la population à venir découvrir ce beau sport dans un parcours magnifique. OK. On se reparle, Michel, jeudi prochain. Avec plaisir. Voilà, c'était la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand.